بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue cette série de cours concernant la médisance en nous basant sur l'écrit Riyad al-Salihin de l'Hafid al-Nawawi rahimahullah. On est arrivé à la parole de l'auteur rahimahullah lorsqu'il dit wa an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man waqahu allah sharra ma bayna lahyayhi wa sharra ma bayna rijlayhi dakhala al janna rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan. D'après Abu Hurayra radiyallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont Allah le préserve du mal de sa langue, mais bien à l'ahyei, comme on a vu tout à l'heure, celui qui le préserve du mal de sa langue et du mal de ce qu'il y a entre ses deux jambes, rentrera au paradis, rapporté par At-Tirmidhi, et qui nous dit hadithun hasan. Comme on a vu tout à l'heure, barakallahu fikum, il y a, dans la science du hadith, on va faire la différence entre ce qu'on appelle al-mantouq et ce qu'on appelle el-mefhoum. Et aussi ce qu'on appelle mefhoum el-mukhalafa. El-mantouq, ce qui est prononcé. Et donc les termes du hadith. Le mot, les termes qui ont été prononcés. El-mefhoum, ce qu'on comprend de cela. Et donc on comprend de cela que... Donc, pour rentrer au paradis, il faut donc être préservé du mal de notre langue et du mal de ce qu'il y a entre nos jambes. Toyib. Mefhoumul mukhalafa. Et donc, ce qu'on comprend, mais dans l'autre sens. On comprend que celui qui n'est pas préservé du mal de sa langue ni de ce qu'il y a entre ses jambes ne rentre pas au paradis. Là, il ne rentre pas au paradis. C'est ce qu'on appelle mefhoum el-mukhalafa. C'est comme il dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din. Celui dont Allah lui veut du bien, alors Allah lui accorde la compréhension de la religion. Tayyib. Mefhoumul mukhalafa, il dit Cheikh Ibn Baz. Il nous dit donc, on comprend dans l'autre sens, c'est que celui dont Allah ne lui veut pas du bien, il fait qu'il ne comprend pas sa religion. Tayyib. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, wa an Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu qal, qultu ya Rasulallah, man najah. Mashallah, les questions des sahaba. Hein? Les questions des sahaba, c'était pas comme les questions aujourd'hui. Hein? Talak, divorce, talak, talak, oui, khoul, je veux, khoul, etc. Là, ici, la question c'est, ô messager d'Allah, comment être sauvé? Manager. On fait la différence entre un manager avec un ta marbouta à la fin, et un najah avec un ha à la fin. C'est proche. Un najah, un najah. C'est quoi la différence entre les deux? Un najah, la réussite. Najah fil irtibarat, il a réussi aux examens, etc. etc. Un najah, le fait d'être sauvé. Et donc ici, il demande comment est-ce que je peux faire être sauvé au messager d'Allah. Il y a du feu, il y a du... Comment est-ce que je fais pour être sauvé au messager d'Allah? Il lui a dit, amsik ali kalisanak. Retiens ta langue. Wal yasa'ka baytuk. Et reste chez toi. Reste chez toi. Occupe-toi de ce qu'il y a chez toi. Wabki ala khati'atik. Et pleure concernant tes péchés. Le problème, barakallahu fikoum, les frères, c'est que est-ce qu'on pleure concernant nos péchés? Est-ce qu'on pleure concernant nos péchés? Regardez ces montagnes, ces hommes dont Allah tabaraka wa ta'ala leur a garanti le paradis. Garanti qu'ils vont au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Abu Bakrin fil Jannah, Omar fil Jannah. Tayyib, Abu Bakr, Omar. Abu Bakr qui était bekka, il pleurait beaucoup quand il récitait le Coran. À tel point que Aïcha radiallahu anha, elle disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas laisser Abu Bakr diriger lorsqu'il était malade. Alors ensuite, Aïcha, elle a été voir une autre des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parle-lui, parle-lui. Le prophète qui s'est énervé. Antunna sawahibu Yusuf. Vous êtes comme les femmes qui ont rusé par rapport à Yusuf. Ici, par rapport au fait donc de s'entraider dans cela. Et donc, Abu Bakr, radiallahu anhu, il pleurait beaucoup. Omar, qui a vu que Hudhayfa n'est pas allé prier sur un homme. Omar, il savait que Hudhayfa, il connaissait les noms des munafiqin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait dit, alors Omar, il allait voir Hudhayfa. Abillahi minel qawmi huwa. Par Allah, est-ce que lui, il fait partie des leurs, donc des hypocrites? Naam. Oui, il fait partie des leurs. Abillahi minhum ana. Par Allah, est-ce que moi, je fais partie des leurs? Hudhayfa lui a dit, par Allah, je ne donnerai cette réponse à quiconque après toi. Personne ne vient me demander est-ce qu'il fait partie des hypocrites ou pas. Là. Non, tu ne fais pas partie des leurs. Bek Omar. Il a pleuré, Omar, radiallahu anhu. Lorsqu'il a entendu cette réponse, il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il avait peur d'être un hypocrite. Combien parmi les tabi'in, il nous dit Laqitu kada wa kada min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai rencontré tant et tant parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kulluhum yakhafu an-nifaq 'ala nafsihi. Tous avaient peur d'être des hypocrites. Tous, par rapport à leurs péchés, ce qu'ils connaissaient de leurs péchés, comme on a vu hier. Comme on a vu. Les prophètes, ils ont peur par rapport à leurs péchés. Yawm al-qiyamah, les gens, ils iront voir qui? Ils iront voir Adam alayhi salam. Adam qui dira, non, moi, non, je ne peux pas intercéder pour vous. Moi, j'ai un péché. J'ai un péché. J'ai mangé du fruit. J'ai mangé de l'arbre. J'ai un péché. Un. Allez voir Nour. Les gens, ils vont voir Nour après. Nour qui va lui dire, non, moi, j'ai un péché. Ah non, non, je ne peux pas. Il a peur pour lui. Je ne vais pas l'intercéder pour vous. Alors que moi, déjà, j'ai un péché. Il a peur. Quel est son péché? Il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala concernant son fils. Il pensait qu'il lui était permis de demander. Non. Ah mais nous, on est là, on a des péchés. Ah, dit. Ça ne nous fait rien du tout. Et donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à cet homme, tu veux être sauvé. Retiens ta langue. Reste chez toi et pleure concernant tes péchés. Regrette les péchés que tu as faits. Certains, ça va être le contraire. Ils vont être fiers des péchés qu'ils ont faits. Frère, t'as pas entendu ce que je lui ai dit? Waouh, je l'ai remis à sa place. T'as vu ce que je lui ai fait? Ils vont être fiers du péché qu'ils font. d'avoir mal parlé à quelqu'un, d'avoir tapé quelqu'un, etc., etc. Parfois, certains vont être même fiers de ce qu'ils ont fait avant l'islam. J'en ai déjà vu une fois, devant mes yeux, deux frères. La tension, elle est montée. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui a dit, « Ah, toi, tu ne connais pas un tel. » Il a cité son nom. « Tu ne connais pas un tel de la Jahiliya. » Tu ne sais pas qui j'étais pendant la Jahiliya, Yanni. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Tu es fier. Tu es fier de ce que tu as fait pendant ta Jahiliya. Tu es fier de ce que tu as fait avant l'islam, Yanni. Ibki ala khati atik. Pleure concernant tes péchés. Et donc ça, c'est un gros problème que nous devons soigner. Si tu vois que tu n'arrives pas à te poser le soir avant d'aller dormir, lorsque tu es seul, chez toi, dans ta chambre, à regretter concernant tes péchés, regretter tes erreurs, et tu vois ça ne te fait rien, c'est que tu es malade. C'est que tu es malade. Ton cœur est malade, il faut le soigner. Tu ne ressens plus l'effet des péchés sur toi, parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Et à chaque fois qu'on te conseille sur un péché, oui, mais. Oui, mais. Et pour ceux qui ont avancé dans la langue arabe, walakin. Hein? L'effet de walakin sur une phrase. Le fait qu'on a ce qui est avant walakin, le lien qu'il y a avant walakin et après walakin. Voilà pourquoi certains savants nous disent, concernant la taouba de ceux qui disent « Walakin ». Ils nous disent « Walakin, va effacer ce que tu as dit avant. » On te conseille « Oui, oui, c'est vrai, j'aurais pas dû faire ça, mais, en fait, j'étais dans une situation qui fait que... » Tu t'es trompé, Akhi. Tu t'es trompé, Orti. Accepte le conseil. Khalas. Astaghfirullah wa atoubi ilayhi. On arrête là. C'est si difficile que ça de reconnaître nos erreurs et de reconnaître qu'on n'est pas parfait. Et donc, oh, cher frère, barakallahu fikoum, le sujet est grave. Le sujet qu'on aborde actuellement est un sujet grave. Le fait de ne pas reconnaître ses fautes, le fait de ne pas reconnaître que ses torts, le fait de ne pas regretter les péchés, et ceci fait partie des conditions du repentir. Cela fait partie des conditions du repentir. Le fait de regretter tes fautes. An Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam akol, Iza asbah ibn Adam, فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا رواه الترمذي معنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له. Et donc il dit d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc tous les matins les membres du descendant de Adam, tukaffirul lisan, ce qui est voulu, il explique ici en bas ce qui est voulu par tukaffirul lisan, tous les membres du descendant de Adam se soumettent à la langue, vont suivre la langue, tous ces membres. Ils disent, crains Allah nous concernant. Crains Allah nous concernant. Nous, on est là, on suit. Si tu suis la droiture, inistakomta istakomna. Si tu suis la droiture, on te suit. Mais si tu ne suis pas la droiture, à droite, à gauche, yeminan, shimelan, hein, on fait pareil. Et donc, la langue va être la cause du fait que la personne soit dans le feu. C'est pas que la langue qui va être châtiée, c'est tout le corps, tous les membres. Et ici, on voit encore le fait que la personne qui ne maîtrise pas sa langue, qui ne tient pas sa langue, n'a pas su suivre la droiture. Il faut suivre la droiture. Tiens ta langue. Subhanallah, regardez comment ce membre est petit, la langue. Tout le corps châtié à cause de la langue. Comment le mal, il peut être lourd. Ici, les savants, lorsqu'ils méditent sur le fait, le mal de la langue, une personne, elle te blesse. Cette blessure, elle va cicatriser. Avec le temps, cette blessure, elle va cicatriser. Mais une mauvaise parole, elle va rester. Et ici, j'attire l'attention de tous mes frères mariés. Hein? Avec nos épouses qui se rappellent de toutes nos erreurs et qui se rappellent de nos mauvaises paroles 10-15 ans après. 10-15 ans après, la blessure, elle est encore là. C'est un exemple. Elle est encore là. Et donc, il faut qu'on fasse attention à nos paroles. Les savants nous disent... La parole blesse plus qu'une plaie. Pourquoi ? Parce que la plaie, elle va cicatriser. La parole, non, ça reste là, ça reste dans le cœur. Ça reste là. Et donc, c'est important, chers frères, qu'on apprenne à tenir nos langues. Wa an Mu'adh radiyallahu anhu qal qultu ya Rasulallah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Ce hadith qui est dans Al-Arba'in. D'après Mu'adh radiallahu anhu, qui dit au messager d'Allah, informe-moi d'une œuvre qui me fait rentrer au paradis et qui m'éloigne du feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu demandes quelque chose de grandiose. Une œuvre qui te fait rentrer au paradis et qui t'éloigne du feu. Là, tu as demandé quelque chose de grandiose. Tu n'as pas demandé rien. Là, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Mais c'est quelque chose qui va être simple, facile à faire. Pour celui à qui Allah lui a facilité cela. Ça nous rappelle quel hadith, les frères? Le hadith concernant... En-namima, en-namem. Le prophète qui passe à côté de deux tombes. Et il dit, innahuma la yu'adhaban. Les deux qui sont dans cette tombe, ils sont font châtier. Fa'amma ahaduhuma, fa'kana la yastatiru min al-bawli. L'un d'entre eux ne se préservait pas de l'urine. Wal akhar yamshi bayna an-nas bin-namima. L'autre, il faisait du colportage. Il faisait du colportage. Et dans une narration, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma yu'adhabani fi kabir bal innahu la kabir. Ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand. Mais oui, c'est quelque chose de grand. Et donc ils ne se font pas châtier pour quelque chose qui était difficile à éviter. Mais oui, c'est quelque chose de grave. Ça, c'est une explication. C'était pas difficile à éviter. Ils auraient pu le faire. Mais c'est grave. Dans une autre explication, ils ne se font pas châtier pour quelque chose qui était grave pour eux. Pour eux, c'est pas grave. C'est juste un peu d'urine. Hein? J'ai juste parlé sur un tel. Je vais voir. Il y a un tel qui a dit ça sur toi, etc., etc. Même. J'ai pas tué, j'ai juste dit l'autre qui l'a parlé, c'est tout. Et il se fait châtier à cause de cela. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'adh, tu demandes quelque chose qui est grandiose. Mais en même temps que cette chose est grandiose, elle est simple à accomplir. Si Allah tabaraka wa ta'ala te facilite l'accomplissement de cette chose. Et donc, on comprend quoi, oh cher frère? El muwaffaqu man waffaqahu Allah. Celui qui réussit, c'est celui à qui la réussite lui est accordée. Celui à qui Allah lui accorde la réussite. Tu veux mémoriser le Coran, tu veux apprendre la Sunna, tu veux apprendre ta religion, tu veux participer à la propagation de la religion, tu veux être quelqu'un de pieux, tu veux délaisser les péchés, tu veux te lever au milieu de la nuit pour prier, tu veux. El muwaffaq man waffaqahu Allah. Invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il t'aide et qu'il t'accorde la réussite à accomplir cette chose de grandiose. Cette chose qui est grandiose. C'est pas facile, on est à une époque où les péchés, on peut les faire en 2 secondes. C'est très facile de tomber dans un péché. Et donc, c'est difficile de rester sur la rectitude, de rester droit. Alors demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il t'accorde la réussite. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue à expliquer à Mu'adh ce qu'il doit faire pour avoir ce qu'il veut. Une œuvre qui lui permet d'entrer au paradis et l'éloigne du feu. Ta'budullah la tushriku bihi shay'a wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadan wa tahujj al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Tu adores Allah sans lui accorder quelconque associé, tu accomplis la prière, tu t'acquittes de l'aumône, tu jeûnes Ramadan et tu accomplis le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as la capacité. Les 5 piliers de l'islam. La base. Hamdoulillahi Rabbil Alamin. C'est pas compliqué. Tayyib. Thumma kol. Ensuite il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ela adulluka ala abwabil khayr. Donc là on t'a donné une base. Ensuite, puis-je te montrer les portes du bien. Là maintenant, on va dépasser cette base. Puis-je te montrer les portes du bien pour t'aider à t'élever en degré. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, as-sawmu junnah. C'est quoi un junnah? Et quel est le lien entre junnah et jannah? Et quel est le lien entre junnah et jannah et djinn? Elle est frère. Elle est belle la langue arabe. Na. Barakallahu fik. El Jenen. On rajoute aussi El Jenen dans la définition de la foi. Dans la définition de la foi, c'est quoi la définition de la foi, les frères? C'est quoi la foi? On révise la Aqida, mashallah. Qawlun bil lisan. Donc la croyance avec le cœur, El Janan. Ensuite, Amelun bil Arkan. Yazidu bi ta'ati Rahman. Wa yankusu bi ta'ati Shaitan. Tayyib, jazakallahu khair. Et donc, El Janan, le cœur. El Jannah, un jardin, un paradis. Mais un jardin ici, ce n'est pas n'importe quel jardin. El Jannah, ce n'est pas comme El Bustan. Jannah, c'est un jardin qui a de grands arbres qui couvrent et qui cachent ceux qui sont à l'intérieur. C'est ça, Jannah. Tayyib. El Jinan, le cœur qui est caché à l'intérieur. El Jin, que tu ne vois pas, le Jin. El Junnah, le bouclier qui fait qu'on ne t'atteint pas, on ne te voit pas. Es-sawmu junnatun. Le jeûne est un bouclier. Le jeûne est un moyen de te protéger et qui va t'aider à ne pas tomber dans le péché. Was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar. L'aumône va éteindre, va effacer les péchés de la même façon que l'eau éteint le feu. Wa salatu ar-rajuli min jawfi al-layli, Allahu akbar. Et la prière de l'homme au milieu de la nuit. On t'a donné une base. Tu veux maintenant le khair? Tu veux le paradis? Tu le veux? Va le chercher. Va le chercher. Fais des actes, des jeûnes surérogatoires. Ça va t'aider. Tu vas faire des péchés. Oui, tu vas faire des péchés. Tu es un être humain. L'aumône permet d'effacer les péchés. Yallah, bismillah, continue. wa salatu rajuli, et la prière au milieu de la nuit quand les gens dorment pour implorer le pardon d'Allah, pour implorer la guidée venant d'Allah, pour demander le paradis, les hauts degrés du paradis. Et ensuite, il a récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole d'Allah: Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ils s'arrachent de leur lit, mashallah. Il faut te battre pour sortir du lit. Le lit, il t'appelle, reste là, surtout quand ils sont mariés. Hein? Quand ils sont mariés, le lit, il appelle encore plus. Reste là sous la couette, il fait bien chaud, mashallah. Alors il s'arrache du lit. Il fait l'effort de se lever du lit. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Yad'una rabbahum. Ils invoquent leur Seigneur khawfan wa tama'a. Par crainte et espoir, il a peur de son Seigneur, il a peur de désobéir, il a peur par rapport à ses péchés, il a peur d'être puni, il espère le paradis, il espère le pardon. Si tu n'as pas les deux, tu es mort. Tu es mort. Lorsque tu adores Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque tu viens ici, tu dois avoir ces deux éléments avec toi. El khawf wa raja'. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Et ils dépensent de ce qu'on leur a accordé. Ils dépensent, ils gardent pas l'argent pour eux, économiser. Ils dépensent. Ils donnent fi sabilillah. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Aucun ne sait quelle jouissance lui a été gardé. Quelle jouissance leur a été accordée? Personne ne sait quelle récompense et quelle jouissance pour les yeux leur ont été accordées en tant que rétribution de ce qu'ils accomplissaient. Tu ne connais pas les récompenses du khayr. Elles sont énormes. Alors fais-le. Arrête de dormir. Arrête la paresse. C'est facile de tomber dans des péchés. Éloigne-toi des péchés. Et ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Wallah, les frères, ce conseil, il est grandiose, il est énorme. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ela ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhirwat sanamihi. Puis-je t'informer de ra'sul amr, la base de l'ordre, la base du commandement. Ra'sul amr. Wa umudihi, ainsi que son pilier. Et son point le plus culminant. Alors le compagnon qui dit, ben là, il dit, Mu'adh, bien sûr, au messager d'Allah. Alors il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ra'sul amr, l'islam. La base du commandement, c'est l'islam. La base de toute chose, c'est l'islam. C'est l'islam. Tu veux être heureux, la base, c'est l'islam. Tu n'as pas ça, c'est même pas la peine. La base du commandement, c'est l'islam. Son pilier, la salat. Si tu n'as pas la salat, il n'y a pas d'islam. Il n'y a pas de salat, il n'y a pas d'islam. El ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière, celui qui la délaisse aura mécru. Et ainsi que son point culminant qui est le djihad. Et donc ici, barakallahu fikum, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ela urbiruka bimilaki dhalika kullihi. Puis-je t'informer de ce qui va contrôler et gérer tout cela? Tout ce que je t'ai cité la base, je t'ai cité les portes du bien, le jeûne, la sadaqa, se lever la nuit. Et je t'ai cité la base de l'ordre, du commandement, etc. Tout ce que je t'ai cité, est-ce que tu veux que je t'explique ce qui va te permettre de gérer tout cela? Kuffa alika hadha. Retiens ta langue. Retiens ta langue. Ce qui va te permettre de gérer l'islam. Ce qui va te permettre de gérer ton qiyam al-layl. Ce qui va te permettre de gérer ta prière. ce qui va permettre de gérer la sadaqa, ce qui va te permettre de gérer ton hajj, ce qui va te permettre de gérer ton jeûne, etc., etc. Kuff alayka hadha, retiens ça. Alors Mouaz, surpris, qui dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Est-ce que nous sommes châtiés à cause de ce que nous disons? Sakalatka ummuka ya Mouaz. Que ta mère te perde, ô Mouaz. Que ta mère te perde, ici c'est un terme qui va être utilisé par les Arabes pour réprimander un acte. Ce que tu viens de dire est très mal et mauvais. Ensuite, il explique le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hal yakubbu an-nasu fi an-nar ala wujuhihim illa hasa'idu al-sinatihim. Est-ce qu'il y a une autre chose qui fait que les gens sont traînés, sont tirés dans le feu sur le visage? Est-ce qu'il y a une autre cause que les conséquences de leurs paroles qui entraînent cela? Est-ce qu'il y a une autre chose que ce qui résulte du mal de leur langue qui entraîne cela? Et donc, oui, les frères, le fait de ne pas savoir tenir sa langue, le fait d'être dominé par la langue, d'être soumis à celle-ci et que celle-ci ne soit pas soumise à toi, est une cause que tu rentres, est une cause d'entrée en enfer. Et donc, il faut que tu contrôles ta langue. Ta parole, lorsque tu ne l'as pas encore prononcée, tu la contrôles. Lorsque tu l'as prononcée, c'est elle qui te contrôle. C'est elle qui te tient, ta parole. Et donc, il faut que tu fasses très attention à tout ce que tu dis concernant tes frères, concernant la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Fais très attention. Hadith rapporté par At-Tirmidhi qui dit « Hadithun hasanun sahih » et ensuite Al-Nawawi qui dit « Waqad sabaqa sharhuhu ». L'explication de ce hadith a déjà été citée précédemment. Tayyib. Il y a beaucoup de hadiths, on a pris du retard. Dimanche, mashallah, qu'Allah facilite. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة. Ce hadith là en fait il aurait dû être au début. Concrètement, ce hadith, l'auteur, il aurait été bien qu'il le mette au tout début du chapitre. Donc d'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit: savez-vous qu'est-ce que la médisance? Donc on a besoin dès le début de savoir qu'est-ce que la médisance. قال الله ورسوله أعلم. Ils disent Allah et son messager sont plus savants. Le fait que tu parles de ton frère en citant ce qu'il déteste. Le fait que tu parles de ton frère ou de ta sœur en citant ce qu'il déteste. Vois-tu si ce que je dis concernant mon frère est vrai? Ce que je dis le concernant est vrai. Si ce que tu dis le concernant est vrai, tu auras médit le concernant. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Mais par contre, si ce que tu dis le concernant est faux, alors tu auras menti sur lui. Dans tous les cas, tu as un grand péché. Dans tous les cas, tu as un grand péché. Soit tu as médit sur ton frère, soit tu as menti sur lui. Et le mensonge est plus grave que la médisance. Le mensonge est plus grave que la médisance. Chapitre rapporté, hadith rapporté par Muslim. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر. Mashallah, c'est le dernier hadith qu'on va prendre aujourd'hui, inshallah. Et donc d'après Abu Bakr رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit lors de son sermon le jour du sacrifice, Bimina, durant le Hajj, le grand pèlerinage, fi Hajjatil Wada', le pèlerinage d'adieu, le plus grand rassemblement de la communauté musulmane à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quoi sallallahu alayhi wa sallam? Il a donné plusieurs recommandations. Il a donné des recommandations concernant le mariage. Mais aussi, il a dit Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris. Rien du tout. Certes, votre sang, votre honneur, donc le fait que tu fasses couler le sang de ton frère, l'honneur de ton frère, le fait que tu parles sur lui de manière injuste, le fait que tu fasses injustice à ton frère, certes, votre sang, votre honneur sont sacrés. Vos biens, votre argent, vos biens, tout cela est sacré et interdit et sacré, tu ne peux pas le violer. Comme le caractère sacré de ce jour, le jour du sacrifice durant le Hajj. Fi baladikum hadha, donc dans ce pays, à la Mecque, sacré. Fi shahrikum hadha, durant ce mois, le mois sacré, Dhul-Hijja. Allez, vas-y, va faire son péché, va faire un péché. Pendant Dhul-Hijja, le jour du sacrifice, à la Mecque, va faire un péché. Qui va dire oui? Tout le monde va dire, ah non, non, ah non, non. Quoi? Pendant le Hajj, à la Mecque? Taïb, alors sache que l'honneur de ton frère est sacré comme cela. Sache que les biens de ton frère sont sacrés comme cela. Sache que le sang de ton frère est sacré comme cela. Tu n'as pas le droit de violer donc l'honneur de ton frère, ni ses biens, ni son sang. Et donc, tiens ta langue. Fais attention à ce que tu dis. Maîtrise ta langue. De la même manière que tu ne veux pas que ton hajj soit caduque. Tu ne veux pas que ton pèlerinage soit caduque. Lorsque tu vas faire le hajj, tu veux t'assurer que tout soit bien, tout soit carré. Pareillement par rapport à tes frères. Donc l'auteur qui dit, rahimahullah, wa Aisha radhiyallahu anha qalat, qultu lin-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, hasbuka min safiyyata kadha wa kadha. Qala ba'du ar-ruwat, ta'ni qasiratan. D'après Aïcha radiallahu anha, qui dit qu'elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te suffit concernant Sophia qu'elle soit comme ça et comme ça. Certains narrateurs, ils disent que Aïcha radiallahu anha, elle a dit qu'elle était, Sophia, elle était petite en taille, qasira. فَقَالَ لَقَدْ كُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu Aïcha dire cela, il lui a dit, certes, tu as prononcé une parole. Si celle-ci était mélangée à l'eau de la mer, لَمَزَجَتْهُ, elle aurait eu le dessus sur cette eau. C'est-à-dire, cette parole tellement grave. Certains scientifiques, ils nous disent, l'eau de la terre représente 80% de la terre. 80%. Et certains vont dire 30, mais en tout cas, c'est entre 80 et 70%. L'eau représente entre 80 et 70% du monde. Toyib. Et donc, c'est une grande quantité. Il lui dit, si ta parole avait été mélangée à l'eau qu'il y a sur terre, elle aurait eu le dessus sur cette eau. C'est-à-dire qu'elle aurait fait cette eau changer de couleur, de goût, d'odeur. C'est pas tellement chaud. Ils nous disent tellement, les savants, ils nous disent tellement cette parole elle est grave. Et donc, il est important qu'on comprenne que parfois, on ne voit pas le danger. On se dit, mais non, c'est pas grave. Tu te permets de parler sur quelqu'un, et voilà les conséquences. Et ensuite, Aïcha qui dit, « Wa hakaytu lahu insanan » Et donc, je lui ai parlé d'une personne. Aïcha qui dit, j'ai parlé au prophète d'une personne. « Fekala ma uhibbu anni hakaytu insanan » Wa annali kada wa kada. Il a dit, je n'aime pas parler de quelqu'un alors que moi j'ai ça et ça. Et donc notre problème, barakallahu fikoum, c'est qu'on a une facilité à parler des autres. On a une facilité à voir les erreurs et les manquements et les défauts des autres. Mais on a du mal à nous regarder dans la glace. On a du mal à nous regarder dans la glace afin de voir nos propres défauts. Et on prétend la fraternité. Nous sommes des frères, mashallah, à la sunna. C'est quoi la fraternité? C'est quoi la fraternité? On se voit, salam alaikum, mashallah, et puis lorsqu'on est parti, ah ouais, le frère, ce qu'il a, oubille-là. C'est ça la fraternité? La fraternité, disent les savants, et parmi eux, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, la fraternité, c'est wal asr, par le temps. Innal insana lafi khusr. Certes, les êtres humains sont tous dans la perdition. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sauf ceux qui ont eu la foi, yarhamukallah, ont accompli de bonnes œuvres. Watawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Se sont enjoints la vérité et la patience. Et donc ces gens-là, ils s'efforcent d'apprendre leur religion, de l'appliquer, d'œuvrer avec, d'être profitables à leurs frères. Quand ils voient leur frère dans une erreur, ils vont voir leur frère. Tawassaw bil haqq. Ya akhi. Il y a kayt, kayt, kayt. Ça, ça, ça et ça. Que je voulais te dire. Lillahi azza wa jal. Mais ils ne vont pas aller parler dans leur dos. Parce que ce sont des frères. Et parce qu'ils veulent le bien de leurs frères. Et ils veulent leur propre bien à eux. Et donc il est important qu'on comprenne entre nous, les frères, les sœurs, que nous devons nous comporter comme tels, comme des frères. C'est facile de dire que nous sommes des frères, mais il faut l'appliquer. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi qui dit que le hadith est Hassanun Sahih. Tout à l'heure, pendant les questions-réponses, il y a une personne qui m'a interrogé concernant un hadith, l'homme qui est élevé en degré, donc qui monte au degré, qui est élevé donc, au degré du paradis, on lui demande de réciter le Coran et il monte en degré, donc jusqu'à ce que, donc, qu'il termine donc, sa récitation du Coran. Il monte en degré en fonction de sa récitation du Coran. La personne a demandé si le hadith il était authentique et oui, j'avais dit que le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Et subhanallah, tout à l'heure, il y a un élément que j'avais oublié, c'est que Cheikh Al-Albani, en plus d'avoir authentifié ce hadith, il a dit, mais il est mis ici en condition pour que la personne bénéficie de ce grand mérite, qu'elle soit mukhlis lillahi azza wa jal lorsqu'elle mémorise le Coran ici-bas. Lorsqu'elle mémorise le Coran ici-bas, il faut qu'elle ait une intention pure pour Allah tabaraka wa ta'ala, pas rechercher les éloges des gens. Et ensuite, il a cité un autre hadith, Cheikh Al-Albani. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Aktharu munafiqi ummati » le plus grand nombre des hypocrites de ma communauté sont ces récitateurs. Les récitateurs représentent le plus grand nombre des hypocrites de la communauté. Hadith authentique, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste petite parenthèse, et on revient à notre cours. Al-Hafidh wa al-Nawawi rahimahullah. Il nous dit, cette parole va donc changer le goût, l'odeur de l'eau, tellement cette parole va être mauvaise et grave. Et certes, ce hadith fait partie des hadiths qui montrent le plus l'interdiction de la médisance. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « وَمَا يَنْتِكُوا عَنِ الْهَوَى » Il ne parle pas selon la passion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas selon la passion. « إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى » Tout ce qu'il dit est une révélation qui lui est faite. Ensuite, il cite Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah an Anas radiyallahu anhu qol. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخبشون وجوههم وصدورهم. Et donc Anas radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il a été élevé au ciel, donc Laylat al-Mi'raj, l'ascension. Et donc il a vu des hommes, il a vu des gens qui avaient des ongles en acier, avec lesquels ils se griffaient le visage et la poitrine. Fakultu man ha'ula'i ya Jibril. Et donc il dit, qui sont ceux-là, ô Jibril? Dans une narration, subhanallah. Mais qui sont ces gens-là, ô Jibril? Il a dit, ces gens-là sont ceux qui mangent la chair des gens. Et ils vont violer leur honneur. Ils vont violer l'honneur de ces gens-là. Rapporté par Abu Daoud. On avait déjà parlé de ce hadith précédemment. Et ce qui est voulu ici, cette sanction, comme on a vu précédemment, al-uqubatu min jinsil amal. La sanction est du même genre que l'œuvre. Ces gens-là, ici-bas, n'œuvraient pas comme des hommes. Ils n'œuvraient pas comme des hommes. Mais ils avaient en eux cette caractéristique qui est plus connue de la gente féminine, des femmes. Le fait d'avoir cette facilité à aller parler à droite, à gauche. Et donc ces hommes-là, ils parlaient sur leurs frères. Au lieu de venir les voir et de se comporter en homme. Akhi, j'ai telle chose à te dire, etc., etc. Au lieu de se comporter comme un homme, il va aller parler sur son frère. Manger de sa chair, parce que son frère, à distance, ne peut pas se défendre. Il choisit donc la facilité et va violer l'honneur de son frère. Pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous le dit clairement dans son livre, « Minal mu'minina rijal » Parmi les croyants, il y a des hommes. Ça veut dire que ce ne sont pas tous qui sont des hommes. « Sadaqu ma'ahadullah alayhi » Ils ont été sincères dans leur engagement avec Allah tabaraka wa ta'ala. « Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir » Il y a parmi eux ceux qui sont morts, il y en a d'autres qui attendent. « Wa ma baddalu tabdila » Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé la religion. Peu importe les difficultés, peu importe les épreuves. Ton frère, il t'a fait une injustice. C'est pour toi une épreuve. Est-ce que ça veut dire que tu peux te permettre de transgresser et de violer l'honneur de ton frère? Non. Va le voir. Sois un homme. Et donc, il est important, cher frère, qu'on s'éduque et qu'on apprenne quelles sont les caractéristiques des hommes. Et Saadi, rahimahullah, il nous dit, un homme, ce n'est pas une personne qui va avoir un pénis. Mais un homme, c'est plus que ça encore. C'est plus que cela encore. Et donc, moi, ça m'attriste de voir comme sont nombreux nos frères qui n'ont pas compris qu'est-ce qu'un homme. Et ensuite, il dit, Al-Hafiz al-Nawawi, Rahimahullah, wa an Abi Hurayrata radiallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam akol, kullu muslimin ala al-muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Rawahu muslim. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est interdit à tout musulman de violer le sang, l'honneur ou les biens du musulman. Rapporté par Muslim. Et ce hadith, on avait déjà vu hier un hadith qui allait dans ce même sens. On va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين